Ici Franck Dessort, aujourd'hui l'histoire, l'un des inventeurs de la langue française moderne, l'écrivain François Rabelais. François Rabelais, le plus grand écrivain de la langue française, parti jadis en guerre contre le pédantisme des gens de la Sorbonne, en jetant à leur face les mots saisis dans la langue populaire. Débordement, ivresse, ripaille, il mettait en mots l'extraordinaire appétit de ceux qui se nourrissaient de la maigreur des paysans et des ouvriers, pour le temps d'une mascarade, d'un monde à l'envers. Hommage rendu à Rabelais par l'écrivain Jean-Marie Le Clésiot lors de son discours d'acceptation du prix Nobel de littérature en 2008. Alors à son sens, Rabelais a donné à la langue populaire, la langue française, ses lettres de noblesse. Son imaginaire, ses mots continuent aujourd'hui d'enrichir notre vocabulaire. Pensons à pantagruélique, gargantuesque, mouton de panurge. Tous ces mots, toutes ces expressions, on les doit précisément à François Rabelais. Ce grand écrivain, cet homme de la Renaissance qui a défié les puissants et les notables de son époque au XVIe siècle et qui va incarner pour toujours un certain bonheur de vivre, l'équilibre entre les joies du corps et celles de l'esprit. Comme il est grand, comme il est fort, il nous écraserait d'un doigt. Mais est-il aussi bon que fort, notre bon sire, regarde en toi. Alors Rabelais, c'est évidemment le grand médecin, c'est évidemment le prêtre, mais c'est aussi le secrétaire de l'ambassadeur de François Ier au Vatican. Et c'est le personnage qui est curieux de tout, de toute science, bien entendu de la langue française, le nombre de mots qu'il a pu créer et remettre en vigueur. Mais c'est aussi quelqu'un qui est attaché à son terroir, à la Touraine. Sa jument avait belle taille, et lorsque sa queue balançait, elle coupait comme brin de paille tous les arbres d'une forêt. Comme il est grand, comme il est fort, il nous écraserait d'un doigt. Mais il est aussi bon que fort, notre bon sire Gargantua. Le biographe Gilles Henry, qui évoquait l'héritage de François Rabelais, le père de Pantagruel et de Gargantua, mais aussi un écrivain qui allait avoir une influence décisive sur la littérature française de la Renaissance jusqu'à nos jours. Et pour nous parler de son œuvre, notre invité est M. Claude Lacharité, professeur au département de lettres et humanités à l'Université du Québec à Rimouski et titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire littéraire et patrimoine imprimé. M. Lacharité, bonjour. Bonjour, M. Dessort. Ce qu'il faut dire, je pense d'emblée, M. Lacharité, c'est que l'on connaît peu de choses, finalement, de l'homme François Rabelais. On ne sait même pas où il est né. Effectivement, sa biographie est pleine de trous. On ne connaît pas avec certitude sa date de naissance. On présume qu'il serait né vers 1483, sans doute à Chinon, dans la province de Touraine. Il serait mort à Paris vers 1553, mais on n'a aucune certitude à ce sujet. En fait, Rabelais a été surtout un médecin de son vivant. Et il est d'abord et avant tout connu comme l'auteur d'une fiction romanesque absolument sans égale qui a marqué à jamais l'histoire de la littérature française, constituée de 4 romans, Pantagruel, publié en 1532, Gargantua, Gargantua, publié en 1535, Le Tiers-Livre, publié en 1546, et enfin Le Quart-Livre, publié en 1552, sans doute un an avant sa disparition. Alors j'évoquais un peu plus tôt Rabelais, l'homme de la Renaissance. Alors justement, de quelle façon est-ce que ça se traduit, ça, concrètement? Oui, en fait, Rabelais est certainement une incarnation parfaite de ce que les anglophones appellent « Renaissance man ». Et les anglophones ont aussi une autre expression qui est pratiquement un synonyme, qui est « a walking encyclopedia », en fait, hein, une espèce d'encyclopédie sur pattes. Ouais. Et ça correspond bien à Rabelais, ça correspond bien à beaucoup d'hommes de l'époque, comme Léonard de Vinci et le génial inventeur. Parce et par que la suite, des encyclopédistes. Là. Tout à fait, exactement. Au XVIIIe siècle, c'est la même curiosité pour l'ensemble des connaissances humaines, quelle que soit la nature de ces connaissances. Donc Rabelais, c'est un écrivain, c'est un médecin, mais il ne s'intéresse pas qu'à la littérature, à la médecine, il s'intéresse avec un égal intérêt au droit, à l'histoire, à la mythologie, à la numismatique, à la grammaire, à l'astrologie, et j'en passe, parce qu'en fait, on pourrait énumérer encore bien d'autres domaines de la connaissance qui intéressaient et passionnaient Rabelais, et que l'on retrouve dans son œuvre de fiction en langue vernaculaire. En français. Une grande érudition, hein, assez remarquable. Quand on pense à Rabelais, aujourd'hui, on pense tout de suite, évidemment, à un certain humour, à l'humour rabelaisien, bien sûr, alors un peu paillard, un peu grivois, scatologique par moments aussi. c'est une dimension importante du personnage, bien entendu, mais il ne faudrait surtout pas le réduire à ça non plus. Là. Oui, tout à fait. Je pense que les deux aspects sont indissociables. Rabelais est l'homme d'un humour absolument inimitable, grivois, scatologique, comme vous le soulignez. Hein. C'est très présent, par exemple, dans Gargantua, avec les parents de Gargantua qui jouent à faire la bête à deux dos, ou encore les veuves qui accouchent d'enfants 11 mois après la mort de leur mari parce qu'elles ont trop joué du cerf croupière. Donc ça, c'est bien présent chez Rabelais. C'est aussi présent avec le torche-cul inventé par le jeune géant Gargantua. Mais en fait, chez Rabelais, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi une invitation permanente à interpréter à plus haut sens, comme nous y invite le prologue de Gargantua, qui nous invite d'ailleurs à rompre l'os pour en sucer la substantifique moelle. Mais ce sont deux aspects très importants, je pense, de Rabelais, indissociables, comme l'envers et l'endroit d'une même pièce de monnaie. Et surtout, Rabelais est un homme aussi de son temps, c'est un homme de la Renaissance, dans la valorisation qu'il fait du rire, d'une certaine nature humaine plus joyeuse, plus riante qu'au Moyen-Âge. Oui, il rompt vraiment comme ça, avec une espèce d'obscurantisme, peut-on dire, du Moyen-Âge à cet égard-là? Exactement, tout à fait. Au Moyen-Âge, on avait tendance à percevoir le rire comme le propre du pêcheur. Et Rabelais, lui, en tête de Gargantua, donc son roman de 1535, il va mettre un poème qui se conclut par « Le rire est le propre de l'homme ». Et c'est à prendre tout à fait au sérieux, même si c'est un éloge du rire, c'est à prendre au sérieux sous la plume de Rabelais. Alors l'expression, elle vient bien de lui, là? Elle vient de Rabelais, effectivement. On la trouve sous la plume d'un certain nombre d'humanistes contemporains en latin. Par exemple, l'humaniste florentin Ange Policien, que Rabelais a lu et même édité. Mais en français, c'est le premier, donc, à nous en donner l'attestation écrite dans Gargantua. Alors, l'une des nombreuses expressions qui nous est parvenue, d'ailleurs, encore aujourd'hui. Alors, Rabelais n'est pas seulement adepte du rire, c'est aussi un savant, hein, ça, il faut le dire. Il a fait des études poussées, d'ailleurs, en médecine, notamment, bon, en France, mais aussi à l'étranger. Parlez-nous un peu, justement, de cet aspect de Rabelais. Oui, c'est ça. C'est un esprit curieux de tout. Hein. C'est véritablement une encyclopédie sur un puits de science. Un puits de science. Et effectivement, dans son premier roman, Pantagruel, hein, au chapitre 8, on a une sorte de programme d'études idéales qu'on a souvent interprété de manière contrastée selon les points de vue. Mais c'est certainement là encore un passage de l'œuvre de Rabelais à prendre tout à fait au sérieux lorsque le père enjoint à son fils de devenir un véritable abîme de science, c'est-à-dire un puits de science sans fin, sans fond, comme vous le dites très bien. Et on a là une très, très longue énumération de domaines de la connaissance que le jeune géant doit maîtriser, apprendre, découvrir. Il y a aussi des langues, parce que la Renaissance est aussi la renaissance de l'Antiquité gréco-latine. Mmh. C'est la renaissance du grec ancien en particulier, langue à laquelle Rabelais nous dit que c'est honte de se dire savant. Et Rabelais, c'est bien sûr un médecin, c'est bien sûr un savant, mais c'est aussi et peut-être surtout un helléniste, un spécialiste du grec ancien, ce qui lui permet de découvrir toutes sortes de textes qui étaient complètement oubliés pendant tout le Moyen-Âge. Alors ça, c'est une des caractéristiques précisément de la Renaissance. Il aime le grec ancien, mais il a aussi un goût marqué pour le français, langue à laquelle il donne ses lettres de noblesse, comme on le disait un petit peu plus tôt. Parce que cette langue populaire-là, M. La Charité, il faut le dire, elle était souvent méprisée par les élites de l'époque. Effectivement. Donc, avant le XVIe siècle, et même pendant longtemps encore au XVIe siècle, la langue officielle de culture, celle dans laquelle on enseigne à l'université, la langue du culte à l'église, ça reste le latin. La langue des élites intellectuelles, c'est le latin. Et Rabelais, de ce point de vue-là, il est un homme de son temps parce qu'au fond, il a fait tout son cursus en latin. Il maîtrise parfaitement bien le latin classique de Cicéron. Mais à côté de ça, il s'intéresse également avec la même curiosité à sa propre langue maternelle qui va contribuer à illustrer, à défendre, pour reprendre le titre du traité de Joachim du Bellay publié en 1549, qui est véritablement un jalon de l'histoire littéraire puisque c'est la première fois que l'on promeut le français, l'usage du français comme langue de culture, comme langue de savoir, comme langue de science. Alors, il y a apparemment une parenté entre la langue de Rabelais et celle qui a été parlée au Québec, et en particulier celle qui a été parlée en Acadie. Et l'auteur, Antonine Maillet, a même consacré une thèse au début des années 70 à ce sujet-là. Alors, si vous le voulez bien, on va écouter ce qu'elle en disait dans une émission qui date de 1991. Quand j'étudie la littérature de Rabelais et que je la compare à notre littérature à nous, c'est-à-dire à notre transmission orale de cette littérature, je me rends compte que c'est le même matériel, c'est les mêmes contes, les mêmes légendes, les mêmes croyances et traditions, les mêmes mots, les mêmes proverbes, les mêmes images. Sauf que Rabelais, en génie qu'il était, l'a écrit, l'a transcrit et conservé directement dans une œuvre qu'on appelle les cinq livres, composée du Gargantua, du Pantagruel, du Tiers, du Quart et du cinquième livre. Tandis qu'en Acadie, on n'avait pas encore d'écrivain. Donc, on a transmis toute cette littérature de bouche à oreille, de père en fils. Nous avons des histoires de grand gousier en Acadie. Nous avons des gargantuas chez nous. Souvent, nous ne l'appelons pas comme ça, mais c'est le même type de géant. C'est le géant drôle, humanisé, plein de facéties, plein d'aventures et, bien entendu, plein de gestes épiques et gigantesques. Alors, bien sûr, il y avait un héritage linguistique de François Rabelais, mais ce qu'il faut dire, M. Lacharité, c'est que Rabelais, il a inventé aussi une langue tout à fait inédite, là. Oui, tout à fait. Il y a une ampleur sans, je dirais, équivalent dans le reste de l'histoire de la littérature pour ce qui est du nombre de mots employés par Rabelais, 80 000 en tout. Et si on veut un point de comparaison, on peut penser à l'œuvre complète du tragédien Jean Racine qui compte à peu près 8 000 mots. Donc, vous avez un ordre de grandeur. C'est un rapport de 1 à 10, finalement. Donc, cette langue-là, personne ne la parlait. Rabelais, dans la vie de tous les jours, ne parlait pas la langue qu'il écrit dans son œuvre. C'est une langue d'écrivain, une prose d'art. C'est véritablement une langue inédite et inouïe, comme la langue de tous les grands écrivains, comme James Joyce ou Régent du Charme. On aimerait bien, comme Québécois, parler la langue de Régent du Charme, mais il faut bien admettre que dans la vie de tous les jours, ça n'est pas tout à fait la langue que nous parlons. Alors, compte tenu de ce que vous dites, M. Lacharité, est-ce que c'est juste de dire de Rabelais que c'était l'ambassadeur ou le porte-parole de la culture populaire? Oui, ça, c'est une interprétation qu'on entend très souvent, que l'on doit au critique russe Mikhaïl Bakhtin. Ce serait effectivement très séduisant. Mikhaïl Bakhtin disait qu'il était le coryphée riant du cœur populaire, c'est-à-dire le chef de cœur du peuple. Mais malheureusement, c'est plus ou moins conforme à la vérité historique. Rabelais a été au service de puissants personnages qui ont été ses protecteurs. Il a servi, évidemment, les intérêts... François Ier, effectivement, le roi François Ier, il a été au service de sa propagande. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il méprisait le peuple. Au fond, il y avait au XVIe siècle une sorte, je dirais, de convergence entre la culture des élites et la culture du peuple. Beaucoup de nobles ne savaient ni lire ni écrire. Donc, je pense que la vision qu'on a d'une sorte d'opposition stricte entre culture populaire, culture des élites, elle est fausse. Et Rabelais ne s'inscrit pas du tout là-dedans. Il s'intéresse également à l'un et à l'autre. Et quand il s'intéresse à l'un et à l'autre, il ne trahit pas d'intérêt de classe pour parler en termes marxistes, en fait. Ce qui l'intéresse, lui, c'est la diversité. C'est la nature humaine sous toutes ses formes, dans tous les milieux. C'est une sorte de curiosité qui s'intéresse à tout, pas juste à tous les domaines de savoir, mais à toutes les cultures, aussi bien les cultures les plus modestes que les cultures des élites les plus raffinées de l'époque. Et notamment à la science. Alors, on peut rappeler donc que Rabelais est aussi médecin. Et ça, donc, il y avait de longues études qu'il a faites en France et à l'étranger. Et cette science, cette pratique de la médecine, elle a vraiment, marqué son œuvre tout au long de sa vie. Oui, effectivement. Donc, il a été médecin. Alors, il a soigné, là encore, des pauvres et des gens de l'élite. Il a été médecin à l'Hôtel Dieu de Lyon. Il a été aussi le médecin personnel de Guillaume du Bellay, de Jean du Bellay, le cardinal de Paris. Mais c'est vrai que c'est absolument omniprésent dans son œuvre. Il se compare, comme romancier, à un médecin. Et donc, on voit que quand il tient la plume pour écrire ses fictions, il est encore et toujours François Rabelais, docteur en médecine. Alors, à ce sujet-là, si vous le voulez bien, on pourrait écouter justement ce qu'en dit l'auteur et médecin Martin Winkler. C'est ce qu'il expliquait à l'animateur Jacques Bertrand sur nos ondes en novembre 2010. Il devient docteur, ce qui lui permet d'enseigner et d'exercer la médecine dans tout le royaume. C'est quelqu'un de très particulier aussi pour un médecin de l'époque, parce qu'il prône tout à fait le fait de pratiquer des autopsies pour connaître exactement l'anatomie humaine. Et il faut savoir qu'en 1510, c'est-à-dire quand il avait une quinzaine d'années, Léonard de Vinci a publié ses cahiers d'anatomie, mais les dissections sont interdites par l'Église. Seulement, elles sont pratiquées quand même. Elles sont interdites, par exemple, à Paris, on ne peut pas faire de dissection, mais à Montpellier, dans le sud de la France, on en fait. Il va se servir de l'anatomie humaine dans ses livres, puisque, par exemple, il décrit une bataille à laquelle participent frère Jean des Entomeurs et Panurge, et il dit, par exemple, que frère Jean atteint un archer à la tête par un coup qui traverse les os, les méninges et ouvre profondément les deux postérieurs ventricules du cerveau. Et le coup de broche qui délivre Panurge de son rôtisseur blessa ce dernier, je cite, « au-dessus du nombril, vers le flanc droit, et lui perça le tiers lobe du foie, et le coup haut de sang lui pénétra le diaphragme, et, par à travers la capsule du cœur, lui sortit la broche par le haut des épaules, entre les spondyles et l'omoblate senestre. » Ma foi, ça c'est de la littérature. Ça c'est de la littérature influencée directement par ses études de médecine. Alors, de la littérature, mais un véritable cours d'anatomie également, là. Exactement, oui, cette scène de massacre est un véritable massacre anatomique, justement. Donc, il était médecin, mais aussi un peu, beaucoup, juriste. Oui, effectivement. Donc, encore là, un autre domaine de la connaissance qui intéresse Rabelais. Il était fils d'un avocat, Antoine Rabelais, et en fait, l'un des plus grandes autorités de l'époque, Guillaume Budet, qui est le plus grand helléniste, mais aussi un des plus grands spécialistes du droit, reconnaît à Rabelais une compétence particulière dans ce domaine, bien que Rabelais n'ait jamais étudié le droit à l'université pour autant que l'on sache. Et là encore, c'est un aspect qui transparaît avec force dans son œuvre, notamment, par exemple, dans le tiers-livre, on a un juge qui s'appelle le juge Bridois, qui est absolument incapable de prendre des décisions dans les procès qu'il doit présider. Et à chaque fois, il utilise les dés pour arriver à trouver la décision à prendre et donc à rendre son jugement. Et donc, c'est un des aspects, disons, de l'érudition juridique qu'on trouve dans l'œuvre narrative de Rabelais. Et critique des élites aussi, des notables. Oui, exactement, bien sûr. Il critique, entre autres, je dirais, l'enseignement du droit tel qu'il se pratique à son époque à l'université, qui est en fait un enseignement largement médiéval, mais qui ne se soucie pas du tout, je dirais, de la précision des termes. Or, tout le droit à la Renaissance est fondé sur le droit romain, donc est fondé sur un droit qui a été écrit en latin et en grec. Et donc, ce que Rabelais dit, c'est que si on ne connaît pas bien et le latin et le grec, on est incapable d'être un bon avocat, un bon juriste, parce que tout simplement, on ne comprend pas les textes juridiques sur lesquels repose le droit de l'époque. Dans quelle mesure, à votre sens, monsieur Lacharité, l'œuvre de Rabelais est-elle une clé pour comprendre notre époque? En fait, l'œuvre de Rabelais n'a probablement jamais été d'une aussi grande actualité que de nos jours. Au fond, cette curiosité pour la connaissance sous toutes ses formes, pour l'homme sous toutes ses formes, peu importe sa classe, son origine, peu importe la période dans laquelle il a vécu, ça reste quelque chose de très important pour nous en cette période, effectivement, de métamorphose, de progrès rapide, de transformation du monde. Je donne un seul exemple. Dans la recherche universitaire, aujourd'hui, on encourage, on favorise, on crée des nouveaux programmes de subvention pour que les chercheurs de tous les domaines de la connaissance travaillent ensemble. C'est ce qu'on appelle l'intersectorialité. Alors, le mot est très laid. Multidisciplinarité. Exactement. Aussi. L'interdisciplinarité, c'est un des aspects de cette intersectorialité qui est comme l'interdisciplinarité au carré. Et en fait, c'est... Alors, Rabelais aurait certainement détesté le mot qui est extraordinairement barbare, mais la réalité, elle est très proche de la pratique de Rabelais, de celle des humanistes. Et effectivement, c'est un monde qui a connu un bouleversement incroyable en un nombre réduit d'années. Et à beaucoup de points de vue, effectivement, la Renaissance et le 21e siècle se ressemblent, se rapprochent. Et je pense qu'on gagne beaucoup à relire Rabelais. Il peut nous apprendre beaucoup de choses sur son temps, mais assez paradoxalement, il peut aussi beaucoup nous apprendre sur nous-mêmes et notre époque. Donc, une œuvre d'une grande modernité qui nous questionne encore. Tout à fait, tout à fait. Oui. Alors, sur le plan linguistique, on parle, sur le plan littéraire, justement, on le disait un petit peu plus tôt, l'œuvre de Rabelais, elle a été décisive, elle a influencé beaucoup d'auteurs de la Renaissance jusqu'à nos jours. Il y a beaucoup d'expressions, on le disait, beaucoup de termes qui nous ont été légués par lui, bien sûr. Parlez-nous un petit peu justement de cette influence qui demeure encore très très présente, hein, très concrète aujourd'hui. Oui, effectivement, vous le mentionniez dans votre introduction, il y a un certain nombre de mots de la langue de tous les jours qui viennent directement de Rabelais, hein, les adjectifs pantagruéliques et gargantuesques, hein, qui désignent quelque chose, quelque sorte de démesuré. Mouton de panurge. Mouton de panurge. Puits de science, ça vient de lui, ça, ou quoi? Abîme de science, abîme en de fait, science. Effectivement, c'est l'expression de Rabelais. En tout et partout, c'est difficile de quantifier notre dette à l'égard de Rabelais, mais il y a un spécialiste qui s'était amusé, au fond, à compter le nombre de mots dont on trouvait la première attestation écrite uniquement dans le roman Gargantua de Rabelais. Et il en était parvenu à un total de 800 mots. Donc, vous imaginez une œuvre qui, elle seule, a réussi à introduire dans notre langue française 800 mots qui sont encore et toujours d'usage courant. Alors, des mots comme, par exemple, encyclopédie, la notion est très importante pour comprendre l'œuvre de Rabelais, mais le mot lui-même, en français, dans notre langue, c'est à Rabelais qu'on le doit. Il est utilisé pour la première fois sous sa plume en 1532. Et tous les jours, aujourd'hui ou presque, on emploie ce mot-là, mais sans nécessairement avoir à l'esprit que c'est Rabelais le premier qui l'a utilisé. Et est-ce qu'on ne peut pas déplorer justement que cette œuvre-là ait été réduite finalement à, je sais pas, quelques aspects un peu folkloriques ou enfin ce qui apparaissait les plus populaires ou les plus accessibles quand on pense justement à l'humour grivois et tout ça. Et ça l'a desservi jusqu'à un certain point. Mais c'est-à-dire que oui et non, je pense qu'il faut quand même une porte d'entrée. Ça reste un univers qui est quand même pas facile d'accès. La langue de Rabelais était difficile pour les lecteurs de l'époque. Elle est toujours très difficile pour nous aujourd'hui. Et si le lecteur est attiré par Rabelais, par la grivoiserie, par la scatologie, moi je dis tant mieux. Parce qu'en fait... c'est une clé. Voilà. Une fois que le lecteur a mis le pied dans la porte de l'œuvre de Rabelais, il va rester captif parce que c'est un univers fascinant et qui est beaucoup plus riche que simplement la grivoiserie et la scatologie. Est-ce que vous avez de la difficulté aujourd'hui à initier, par exemple, justement, vos étudiants à cette œuvre-là? Est-ce qu'elle leur apparaît hermétique? On parlait justement de l'actualité, de la pertinence. Ça reste évidemment toujours un défi, mais je pense qu'une des manières d'arriver à attirer les gens, c'est d'obliger à lire Rabelais à haute voix. Quand vous lisez Rabelais à haute voix, vous en restituez toute la saveur et vous apercevez à quel point, finalement, cette langue du 16e siècle qui nous apparaît très lointaine, elle est très, très proche, finalement, du français québécois. De ce point de vue-là, les intuitions d'Antonin de Maillet sur les parentés entre le français québécois, le français acadien ou le français du 16e siècle sont assez justifiées, même si, bien sûr, la langue de Rabelais est très riche, même si c'est une langue d'un grand écrivain, c'est une langue un peu, je dirais, inédite et inouïe. Il reste que dans ses structures, dans sa syntaxe, dans beaucoup d'expressions imagées, c'est une langue qui est très, très proche du français québécois. Et donc, quand on le lit à haute voix, on a pratiquement l'impression d'entendre la voix de nos grands-parents, surtout quand on a la chance d'avoir eu dans notre famille des conteurs avec une verve intarissable. Mais ces conteurs-là, ils sont tous rabelaisiens à leur façon et c'est une façon pour nous de pouvoir entrer dans cet univers si étrange, si fascinant et si compliqué à la fois. Oui, Rabelais qui était contemporain de Jacques Cartier. Exactement. Voilà, et donc d'une époque qui a été évidemment décisive pour l'histoire du Québec. Le principal legs de François Rabelais aujourd'hui, littéraire, spirituel peut-on dire aussi à bien des égards? C'est très compliqué. C'est une question. Je sais, c'est la question à million. Voilà, exactement. Mais je dirais, c'est tout ça à la fois, en fait. Hein. C'est une certaine vision du monde, optimiste, généreuse, riante et souriante. Rire est le propre de l'homme. Je pense que c'est quand même un très beau programme hein, dans un monde qui n'est pas toujours, qui ne prête pas toujours à rire ni à sourire. Je pense que l'œuvre de Rabelais, c'est une sorte d'école de vie pour nous aujourd'hui. C'est une école de rire également, mais c'est aussi une école de savoir où on peut finalement découvrir l'univers entier, découvrir le 16e siècle. Aussi l'Antiquité, parce que Rabelais est fasciné par l'Antiquité gréco-latine. Donc, quand on lit Rabelais, on a l'impression aussi de découvrir l'Antiquité gréco-latine. Et comme je le disais tout à l'heure, lire Rabelais, c'est aussi se connaître soi-même. Hein. C'est, je dirais, la devise qui était gravée sur le temple de l'oracle d'Apollon à Delphes et que Rabelais cite à plusieurs reprises dans son œuvre. Et effectivement, il croit que la sagesse humaine commence par se connaître soi-même. Mais assez curieusement, en lisant Rabelais, effectivement, on apprend à se connaître soi-même, même quand on est un lecteur, je dirais, occidental du 21e siècle en 2017. Notre invité Claude Lacharité, professeur au département de lettres et humanités à l'Université du Québec à Rimouski. Merci beaucoup, Monsieur Lacharité. Merci, Monsieur Dessort. Voilà, c'est tout pour cette édition d'aujourd'hui d'Histoire. L'équipe aujourd'hui, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site internet Mathieu Arsenault, à la technique Tania Gancheva. Aujourd'hui, l'histoire est une réalisation de Mathieu Beauchamp. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Franck Dessort, au nom de toute l'équipe, merci de votre attention et à la prochaine.